Troisième chapitre. En jetant un coup d'œil autour d'elle après une nuit agitée par les sanglots de la rafale, le jaillissement des vagues sur les pierres du quai, le choc des bateaux, le grincement des amarres, Madame Thouvenin éprouva une vive impression de désenchantement. La glace, qui mettait des reflets verts sur son teint de blonde grasse, le jour cru qui faisait ressortir les quelques rides de son joli visage, sa maladresse à disposer l'échafaudage compliqué de son auréole dorée, la nécessité de se servir elle-même en l'absence de sa femme de chambre, tout contribuait à l'agacer, à la mettre de mauvaise humeur. Elle ne fut nullement rassérénée en constatant que son fils était déjà sorti et que l'hôtel était aussi vide que la veille. Elle s'avança sur le port, emmitouflée et maussade, déterminée à chapitrer Emmanuel, parce qu'il n'était pas venu l'embrasser à son lever ainsi qu'il en avait l'habitude. C'était sans doute pour courir plus vite dehors, au risque d'attraper froid dans la brume matinale. Les maisons lui paraissaient fort laides, celle de la douane aussi bien que les autres, malgré les canons sculptés dans le granit de sa façade. Quant aux boutiques, ça n'existait pas, suivant une expression familière à l'élégante parisienne. Elle se sentit tout à coup enlacée par deux bras caressants, en même temps qu'une voix fraîche disait « Tu t'es levée trop tôt, mère ? Tu étais si fatiguée hier soir ? Je n'ai pas voulu entrer chez toi de peur de t'éveiller. Nous sommes sortis au petit jour, monsieur Siegfried et moi. Tu es bien reposée, n'est-ce pas? Tu es si jolie ce matin, mère chérie. » Elle n'eut pas le courage de tenir rigueur à l'enfant adoré. Elle lui rendit tous ses baisers avec quelques-uns par-dessus le marché pour le remercier d'être rose et gai comme il ne l'était plus depuis longtemps. Il continuait à raconter comment il avait employé sa matinée. Il s'était amusé à regarder les bateaux de pêche quitter le port. 80 barques, il les avait comptées. Il était allé au mont Lénigo, celui qui porte le sémaphore, un mont beaucoup moins haut que la butte Montmartre. Le sable était tout couvert de grandes fleurs blanches, en cloche, dont il aurait fait un bouquet pour sa mère, si M. Siegfried ne lui eût dit que ces fleurs étaient empoisonnées. C'était le Datura stramoine qui croissait en si grande abondance aux abords du mont Lénigo. M. Siegfried en avait mis plusieurs échantillons entre les feuillets de son guide, des échantillons de pieds, car ce sol aride ne pouvait produire que des plantes naines. Il était revenu ensuite vers l'hôtel de peur que sa mère, ne le trouvant pas, ne sût de quel côté diriger sa promenade. Il la faisait arrêter à chaque boutique pour regarder les photographies, les engins de pêche, les coquillages, les plantes marines et ces menus objets que les voyageurs rapportent en souvenir des contrées qu'ils ont visitées. Sans comprendre l'intérêt qu'il prenait à tout cela, elle feignait de s'y intéresser aussi, afin de ne rien lui ôter de son plaisir. Ils allèrent ainsi jusqu'à la jetée, ou plutôt jusqu'à la chaussée de Tréhic. La mer l'avait couverte à marée haute et l'avait parsemée d'algues, les unes arrachées aux rochers de la côte, les autres amenées du large, quelques-unes même venant des mers chaudes. Emmanuel ramassait celles qu'il trouvait les plus belles, soit pour leur délicatesse, soit pour leur coloration d'un rose pourpré. Elles étaient si variées, si élégantes, que le petit garçon conçut l'idée de les conserver, d'en former une collection. Ce serait un souvenir de voyage des plus intéressants. Naturellement, sa mère l'approuva en cela, comme elle le faisait en tout. Elle poussa la complaisance jusqu'à se charger de la récolte, pas pour longtemps toutefois. La viscosité des algues, leur odeur forte, l'eurent bientôt écœurée. Elle rendit les plantes de mer aux flots qui les avaient rejetées. Comme Emmanuel se récriait, elle le calma en lui faisant remarquer que M. Siegfried avait pris des échantillons probablement mieux choisis que les siens. C'était la première fois de la matinée que Madame daignait honorer le précepteur de son attention. Celui-ci en profita pour entrer en scène et mettre l'entretien sur le terrain instructif, si cher à la jolie femme, lorsqu'il lui était loisible de ne point écouter. Siegfried raconta donc que la chaussée du Treillic fut construite au siècle dernier par le duc d'Aiguillon, afin de protéger le port des tempêtes du large, et reconstruite en granit en 1840. Il dit que la tour placée à l'extrémité de cette chaussée est un phare de quatrième ordre portant un feu fixe, blanc à secteur rouge, visible à une distance de 10 milles. Il eut sans doute ajouté beaucoup d'autres choses non moins importantes sur le Croisic, ses origines, ses industries, ses marais salants, son port blotti au fond du golfe de Très, si Madame Thouvenin, jugeant probablement que c'était assez d'instruction pour le moment, ne l'eût interrompu en disant « Rentrons !» Elle mit le bras de son fils sous le sien, passa devant le précepteur et reprit le chemin de l'hôtel. À l'entrée de la jetée, deux promeneurs considéraient avec mélancolie trois ou quatre cabines espacées en bas sur une plage envahie par les goémons. « Sont-ce les bains ?» demandèrent-ils à Madame Thouvenin. « Je ne sais pas, » dit-elle. « Je ne crois pas. Je suis arrivée d'hier soir seulement. « Nous aussi, et nous repartons après le déjeuner, » déclara le mari. « On nous avait affirmé que c'était si joli ici, » soupira la femme, « qu'on s'y amusait tant. »« Il y a d'autres bains à 1,5 km d'ici, » suggéra Siegfried, « les bains Valentin, et puis la saison n'est pas dans son plein. » La dame le regarda d'un air ennuyé, sans daigner lui répondre. Le monsieur l'interrogea sur les plages des environs. Quelles étaient les plus agréables ? Siegfried les trouvait toutes charmantes. C'était un mauvais renseigneur pour des gens à qui la contemplation de la mer, la récolte des algues, l'étude de la conchyliologie et les recherches préhistoriques étaient sans doute loin de suffire. Madame Thouvenin se souvint, en une vision lumineuse, du joli dessous de bois formé par les sables et la plage de Pornichet, du promeneur au casque, des jeunes femmes en robe rouge. Elle émit dans l'idée que Pornichet lui semblait être la station agréable, réclamée par les promeneurs mélancoliques. On se salua et les deux groupes continuèrent leur promenade en sens inverse. Pendant le déjeuner, Madame Thouvenin put supputer le nombre des hôtes de l'hôtel. 5 personnes en tout, le père, la mère, la fille, le gendre et le fils, un tout jeune homme que sa famille était venue rejoindre la veille. Il était là depuis 3 jours, enchanté du Croisic et de la tournée qu'il avait faite avant d'y arriver. « Du petit monde, » pensait Madame Thouvenin. Peut-être bien, en tout cas, ce petit monde s'amusait beaucoup, causant, riant, mangeant de tout, déclarant tout délicieux. « C'est ennuyeux, tout de même, de rentrer si tôt, » hasarda le gendre. « Faut bien, » répliqua le père. « Bah, » dit la mère, « faut pas nous plaindre. Voilà 15 jours que nous sommes en promenade. On finirait par se dégoûter des plus belles choses si on les regardait toujours. Mieux vaut s'en aller quand on s'amuse encore. On a de meilleurs souvenirs. » « Tu as toujours raison, ma femme, » s'écria le père avec un gros rire, sous lequel on sentait une tendresse admirative pour la mère de famille attachée à sa maison, à son devoir, toujours prête au sacrifice. « Tu as raison, sans compter que je ne serais pas fâché d'aller voir ce qui se passe à la boutique et que ton frère, de son côté, ne trouvera pas désagréable d'être relevé de faction. Nous nous arrêterons tout de même à Nantes, n'est-ce pas, ma femme ? Je veux voir Nantes, moi. » Il entama alors un long récit, dans lequel un de ses anciens camarades, qui était nantais, jouait le premier rôle, un récit très compliqué par lui-même, encore embrouillé par de nombreuses digressions. Son histoire achevée, il essaya de lier conversation avec la servante, mais ses avances furent vaines, la jeune fille demeura silencieuse, elle n'eut même pas un sourire. Cette servante, vêtue de noir, coiffée de l'austère coiffe dorée, glissait sans bruit derrière les convives, offrant les mets à voix basse avec un mouvement ployant qui ressemblait à une demi-révérence, ou plutôt aux génuflexions des nonnes devant les statues des saints. À son pas silencieux, à sa voix contenue, à sa physionomie fermée, on l'eût prise pour une religieuse mêlée par hasard au personnel de l'autel. Elle était très jeune et jolie, brune avec de grands yeux noirs méditatifs, qui faisaient songer à la déesse aux yeux de génisse du vieil Homère. Siegfried exprimait cela d'une façon plus moderne, en disant qu'elle ressemblait aux petites vaches du pays. Il y avait dans les lignes sérieuses de sa bouche, dans la profondeur calme de son regard, quelque chose qui rappelait Jacquette. C'était la même finesse de trait, la même pâleur rose, la même démarche harmonieuse, les mêmes bandeaux lissés sur les tempes. Ce fut presque le même sourire lorsqu'Emmanuel lui demanda son nom. Elle s'appelait Anne-Marie. Ce fut une déception pour le petit garçon de l'entendre prononcer ce nom. Il eût été content qu'elle s'appelât Jacquette, parce qu'il aurait pu dire « J'ai connu une Bretonne qui portait le même nom ». C'eût été un acheminement pour s'entretenir avec elle de la douce amie perdue, si sa mère l'eût permis toutefois, ce qui était douteux, Madame Thouvenin étant trop comme il faut pour admettre qu'on parlât aux domestiques lorsqu'on n'avait pas d'ordre à leur donner. Du vent, de la pluie, du vent, de la brume et toujours personne. Ainsi se résumait la première semaine du séjour des trois Parisiens au Croisic. À peine avait-on aperçu de temps en temps, à l'heure du déjeuner, un touriste mouillé, crotté, silencieux et affamé qu'on ne revoyait pas le soir. Madame Thouvenin se consolait en se disant que le beau temps ne pouvait tarder à amener une foule de visiteurs dont la présence donnerait de l'animation au pays, que si son fils ne pouvait se baigner, il profitait toujours de l'air de la mer. Consolation vaine, la pauvre femme s'ennuyait mortellement. Grâce aux parapluies et aux chaussures imperméables, on pouvait encore s'aventurer dehors entre deux averses, pourvu qu'on n'allât pas trop loin. Le samedi venu, on connaissait à fond toutes les promenades, le mont Lénigaud, où l'on allait se renseigner sur le temps en consultant les signaux, ou plutôt le signal, car le cône indicateur du vent accompagné de pluie ne quittait pas le sémaphore. Le mont Esprit, élevé pendant le rude hiver de 1816, pour donner du travail aux ouvriers du port, encore une simple butte comme le mont Lénigaud, quoique un peu plus haute. La chaussée de Penbron, sorte de promontoire artificiel construit pour abriter les marais salants des grands vents qui empêchent le sel de se déposer en bouleversant l'eau des bassins. Siegfried vantait le panorama qu'on voit se dérouler du haut du Mont-Esprit. Là, c'était la presqu'île de Bas et la mer. Ici, la vaste étendue des marais, le Pouliguen et l'embouchure de la Loire. Il aurait pu indiquer tout ce qu'il aurait voulu. Personne ne l'aurait contredit, on ne voyait rien que de la brume, translucide sur la terre, tout à fait opaque sur l'eau. Les journées étaient longues, longues, à croire qu'elles ne finiraient jamais. Les soirées étaient lamentables. Siegfried et son élève trouvaient toujours moyen de s'occuper, sinon se distraire. Ils se baignaient, travaillaient, lisaient, classaient leurs algues, les étiquetaient et les admiraient. Cela les aidait à faire couler les heures. Mais Madame Thouvenin n'avait rien que sa propre compagnie, et cela devenait monotone. Son ennui devint tel qu'elle fut prise d'une crise aiguë de littérature, au cours de laquelle elle écrivit un journal rempli de ses découragements, de ses espérances, de ses dégoûts et de ses admirations. À côté de passages de ce genre, mardi, les menus radotent ici, on pourrait n'en écrire qu'un pour toute l'année. Des sardines frites, des crevettes, du homard mal préparé, des poissons d'espèce justement inconnus, c'est plus que du courage d'avaler tout cela. Et Emmanuel mange, et Siegfried se bourre, c'est à n'y rien comprendre. Ah, le ruisseau de la rue Quincampoix et Adèle. On en trouvait d'autres comme celui-ci, écrit après une visite au bain Valentin et la Grande Côte. Je dis, je ne comprends pas que les hôtels n'aient pas été construits de ce côté. Le paysage, un paysage maritime, bien entendu, est des plus pittoresques. Les rochers entassés, fendus comme au lendemain d'un cataclysme, affectent les formes les plus étranges. Là, ce sont des murs perpendiculaires sur lesquels la vague s'épuise en efforts impuissants. Ailleurs, des aiguilles autour desquelles l'eau tourbillonne. Partout entre eux s'ouvrent de larges et profondes crevasses. Par moments, le sol tremble sous les pieds. On sent que l'on marche sur le plafond d'une grotte. La mer s'y engouffre avec de sourds grondements. C'est à la Grande Côte que se trouve le Grand Hôtel, sorte de promontoire renommé pour la pêche du homard et le trou de Courican dont la mer assiège incessamment l'entrée. Pour dire la vérité, l'élégante parisienne ne savait rien de la rue Quincampoix ni de son ruisseau, tout rose de l'eau carminée qui sort d'une fabrique de pralines. Elle pensait seulement que c'était une vieille rue très laide. Dire qu'elle soupirait après la rue Quincampoix, cela signifiait qu'elle affectionnait assez Paris pour en aimer les recoins les moins attrayants. Adèle, c'était sa cuisinière, un cordon bleu d'un incomparable talent. Quant à son admiration pour les rochers du Croisic, elle l'avait prise toute faite dans le guide Joanne. Cela remplissait les pages du journal, ne coûtait aucun effort d'imagination et pouvait éblouir celle des belles amies de la dame qui, n'ayant jamais voyagé en Bretagne, n'avait jamais ouvert le guide spécial de cette région. Le temps s'étant rasséréné, Siegfried proposa d'explorer les environs. Le bourg de Bas, Escoublac, Guérande. Madame Thouvenin ayant approuvé cette idée, on prit le chemin de fer dès le lendemain afin de passer une journée au bourg de Bas. Les jours d'excursion, Siegfried passait naturellement au premier plan. C'était lui qui savait l'histoire des endroits qu'on visitait et, comme il conférenciait volontiers, on était aussi complètement édifié que possible sur ce qu'on avait vu. En gravissant la haute dune qui porte le bourg, dominée par l'église de Saint-Guénolé, il dit qu'au temps de Strabon, c'était encore une île formant avec celle de Saillé et du Croisic, un archipel que les oscillations de la côte ont rattaché au continent. Elle n'était pas encore habitée par les paludiers, mais, paraît-il, par des femmes samnites qui se livraient aux folles et cruelles pratiques du culte de Bacchus. Le bourg était déjà riche au Xe siècle, à en juger par l'église que fit construire Alain Barbetorte, un des héros de la lutte contre la France. À ce propos, Siegfried se demanda si les habitants de cette époque étaient déjà des sauniers, ne se répondit pas et passa à la discussion contradictoire de l'origine des gens de Bas. À les en croire, ils descendaient d'une colonie de pêcheurs scandinaves, établie en ce lieu de temps immémorial. Telle n'est pas l'opinion d'Élisée Reclus, qui ne voit aucune différence de race entre eux et leurs voisins de Guérande. Dans les deux régions, les hommes sont grands, blonds, avec des yeux bleus. Pour 6 francs, Emmanuel eut le plaisir d'examiner dans 3 maisons différentes 3 costumes de mariée exactement pareils, sauf les dimensions et la vétusté. Il apprit en même temps que ce costume est absolument hors d'usage. Personne ne porte plus ni l'étroit gilet, ni la chemisette brune, ni le manteau vert bouteille, ni le chapeau à large bord relevé. L'ameublement des paludiers, tout en bois rouge et verni, l'intéressa davantage. Les grandes armoires à portes sculptées, le buffet surmonté d'un vaisselier garni d'assiettes à fleurs, la petite table basse et triangulaire, les bancs à dossier placés près du lit, et ce dernier surtout l'occupèrent tour à tour. On devait être dans une maison riche, car le lit à colonnes et à baldaquin, entouré de rideaux de serge verte, était très élevé au-dessus du sol et garni de tant de paillasses et de lits de plumes qu'il y avait à peine la passée sous le baldaquin. Le bon goût et l'opulence s'affirmaient encore par les trois oreillers de velours superposés au chevet. Madame Touvenin remarqua la coiffure des femmes, un diadème de nattes blondes piqué d'épingles d'argent ou de cuivre doré à pendeloques, et une coiffe d'étoffe claire qu'elle rattache sous le menton avec une épingle pour sortir. On visita l'église naturellement, ainsi que les ruines de Notre-Dame du Mûrier, puis on rentra. Le lendemain, pluie. On causa du Bourdebat, où l'on peut être sûr qu'une boule jetée au hasard s'arrêtera toujours devant la porte d'un honnête homme, de l'usage si longtemps conservé par les paludiers de ne se marier qu'entre eux, et de l'industrie du sel. Ces causeries remplirent l'après-midi. Le soir, ne sachant plus que dire, on se sépara de bonne heure. Emmanuel et son précepteur se couchèrent et s'endormirent aussitôt. Madame Touvenin, que son journal même commençait à lasser, ne sut d'abord à quoi elle emploierait les lentes heures qui l'amèneraient jusqu'à celle où elle avait coutume de s'endormir. Elle se résolut à écrire à une de ses amies qui lui avait demandé de longues lettres sur son voyage en Bretagne. Elle commença par les lieux communs de la correspondance féminine, parla de la satisfaction que lui donnait la santé de son fils et arriva tout doucement au plaisir qu'offrait un séjour au Croisic. « Croiriez-vous, chère belle, que nous vivons ici comme s'il n'y avait nulle part de plages mondaines, de femmes qui savent s'habiller ni de casino ?» Des ermites, de vrais ermites, si nous n'avions pour nous distraire de ravissantes excursions, d'autant plus intéressantes que M. Siegfried, le précepteur de mon fils, il est vraiment savant, ce M. Siegfried, je dirais presque trop savant. Croiriez-vous qu'il m'a rebattu les oreilles pendant plus de 2 heures des procédés de fabrication du sel ? Je reviens à mon sujet. Je disais donc que les excursions offrent un intérêt d'autant plus grand que le précepteur de mon fils est un cicérone des plus instruits. Vous allez en juger, du reste. Je copie à votre intention ce qu'il a fait écrire tantôt à Emmanuel, après avoir traversé les marais salants. Les marais salants sont coupés en compartiments disposés, de manière à faciliter l'évaporation de l'eau de mer et la cristallisation du sel qu'elle contient. Cette eau monte à chaque marée dans les étiers, espèces de canaux bordés de chaussées servant de chemin et qu'on nomme bossy. L'eau passe ensuite par un conduit souterrain, la coiffe, dans la vasière où elle commence à s'évaporer, puis dans les cobiers, les phares, les adernemètres, et elle entre enfin dans les œillets où le sel se forme définitivement. De temps en temps, le paludier vient agiter l'eau afin de rendre l'évaporation plus rapide. Pendant l'hiver, on laisse les salines sous l'eau afin que la gelée ne puisse détériorer les clôtures en terre glaise qui les composent. On les assèche en avril, on les répare, puis on fait une prise d'eau de mer. Dans les mois de juin et de juillet, cette prise se renouvelle tous les 2 jours. Dans les mois d'août et de septembre, tous les 3 jours seulement. Le dépôt de sel à chaque prise est d'environ 2 mm d'épaisseur dans les fortes saunaisons, ce qui donne 80 kg par œillet. On le laisse égoutter sur de petits plateaux réservés entre les œillets et qu'on appelle la dure. Les femmes viennent alors le prendre dans des vases appelés jèdes qu'elles posent sur leur tête et, courant pieds nus le long des chemins glissants de la saline, elle transporte la récolte sur les trèmes où elle est mise en mulon et recouverte d'une enveloppe de terre glaise pour la préserver de l'action de la pluie. Le sel qui se cristallise à la surface forme une espèce de crème blanche qui exhale une odeur de violette et qu'on abandonne aux porteresses pour leur salaire. Le métier des paludiers est pénible et peu profitable. Ceux qui ne sont pas propriétaires du marais ne perçoivent que le quart de la récolte. Or, une famille de 5 personnes ne peut surveiller que 50 œillets et ne perçoit pas plus de 200 et quelques francs pour son travail de l'année. Ici, abandonnant sa copie, Madame Thouvenin introduisit quelques lamentations de son cru sur le sort des sauniers, puis, par une habile transition et quelques pages du livre habilement supprimées, elle reprit le cours de son intéressant récit. Certes, le gain des habitants de Bas serait insuffisant s'ils ne l'augmentaient par leur industrieuse activité. Dès que les travaux des marais sont achevés, ils vont transporter le sel à 20 et 30 lieues dans les paroisses les plus éloignées. Ils l'échangent contre de la cire, du blé, du lin et revendent ces denrées dans les villes de passage. Ce commerce, qu'ils appellent la troque, les a rendus très sociables et très bons calculateurs. Presque tous savent lire et écrire, et le bourg de Bas est un des premiers en France où l'enseignement mutuel ait été établi. Souvent, leurs femmes les accompagnent dans ces courses lointaines, plus adroites à deviner ce qui peut plaire, plus promptes aux expédients, elles augmentent les profits du voyage et en amoindrissent l'ennui. Que de fois avons-nous rencontré sur les routes herbeuses qui relient les villages ces longues caravanes conduites par la maîtresse mule que distinguaient ses sonnettes et les houppes bariolées de ses harnais. Sur l'accotement marchait le saunier, s'égayant à exécuter avec son fouet mille batteries sautillantes ou mille points d'orgue prolongés et sonores. Ses pieds étaient poudreux, le soleil échauffait son teint hâlé. La route se déroulait au loin en interminables méandres, et à peine si l'on voyait poindre à l'horizon le clocher du village où il espérait le repos. Mais des deux côtés du chemin, les oiseaux gazouillaient sur les buissons et les grillons dans les blés. Le parfum du chèvrefeuille arrivait par rafales. Les haies fouettées au passage faisaient pleuvoir sur sa tête les fleurs d'aubépine, et comme enveloppé dans toutes ces harmonies et dans tous ces parfums, le pauvre saunier allait gaiement, à la grâce de Dieu, entrevoyant peut-être vaguement au milieu des vapeurs lointaines quelques maisonnettes au seuil de laquelle une femme attendait assise et où deux enfants jouaient dans un rayon de soleil. Madame Thouvenin n'avait bien entendu rien vu de tout cela, si ce n'est dans Émile Souvestre, son auteur favori, quand il s'agissait de la Bretagne. Elle s'était peut-être laissée entraîner un peu loin dans sa copie, mais peu lui importait. Il n'était guère probable que la chère belle, à qui s'adressait la lettre, eût jamais lu un traître mot d'un auteur qui écrivait en 1833 ou 4, c'est-à-dire environ 30 ans avant qu'elle fût née. On objectera que Madame Thouvenin le lisait, le disait et le copiait. Cette objection est de peu de valeur, car si Souvestre se trouvait entre les mains de la dame, ce n'était pas sa faute, mais bien celle de Jacquette. La nuit s'avançait. Madame Thouvenin relut, ponctua, ajouta la description d'une noce, toujours par le même procédé, puis se coucha afin d'être reposée pour aller le lendemain à Escoublac. Les pins ont fixé les dunes jadis mouvantes d'Escoublac. Il est difficile de retrouver exactement aujourd'hui l'emplacement de l'ancien village abandonné en 1779 et enseveli sous les sables mouvants. Le nouveau village est à 2 kilomètres de la mer et n'a rien de très remarquable. Naturellement, fit remarquer Siegfried, après avoir parlé de la disparition du vieux Escoublac sous les sables, cet événement permit à l'imagination des conteurs populaires de s'exercer. Il y a là-dessus une légende, je ne me la rappelle pas, mais je sais qu'elle rentre dans le cycle des voyages de Dieu le Père sur la terre. « Je la sais, moi, » dit Emmanuel, comme Siegfried désirait la connaître et que Madame Thouvenin ne s'opposait pas à ce qu'il la raconta, il commença son récit, ayant bien soin de n'omettre aucune des locutions locales dont Jacquette avait coutume de l'enjoliver. « Un soir, » dit le petit garçon, « à l'heure où l'on se rassemble pour le repas du soir, deux voyageurs arrivèrent à Escoublac. C'était un vieillard d'aspect très pauvre et une femme plus jeune, mais non moins misérable. Ils s'arrêtèrent d'abord devant la maison la plus apparente du village, frappèrent et demandèrent l'hospitalité pour la nuit. Les gens d'Escoublac n'étaient point comme ceux de Bas qui refusent l'argent du voyageur en lui disant « Nous sommes assez payés par le plaisir de vous avoir reçu ». Leur avarice leur avait fermé la main et le cœur. Ils repoussèrent le vieillard et sa compagne. De rue en rue, de maison en maison, les mendiants se virent chasser malgré la nuit qui tombait et le froid qui se faisait sentir. Lorsqu'ils se retrouvèrent sur la dune au bord de la mer, la femme s'agenouilla pour appeler la miséricorde du ciel sur les gens d'Escoublac. Le vieillard lui ordonnait vainement de cesser sa prière. Elle restait prosternée. Ce fut en vain, car son compagnon, levant le bras dans un geste de malédiction, ordonna au vent de se déchaîner. De terribles tourbillons s'élevèrent, soufflant des nuages de sable si épais qu'on aurait pu y fourrer le bras. Toute la nuit, la rafale chassa le sable devant elle. Le lendemain matin, Escoublac avait disparu. On ne voyait plus d'autres traces de village que le coq du clocher. « C'est bien cela, » fit Siegfried. Le vieillard était Dieu le Père qui avait voulu éprouver les gens d'Escoublac. La femme était la Vierge, dont le cœur de femme mettait la miséricorde à la place de la justice. Le peuple a souvent un grand sens du vrai. Dans cette légende, les rôles de l'homme et de la femme sont nettement tracés. L'homme seul serait plutôt justicier que juste. La femme seule trouverait trop facilement des excuses en faveur du coupable. À eux deux, ils arrivent à la justice exacte, faite de force et de miséricorde. Madame Thouvenin déclara que malgré son peu de goût pour les légendes, elle ne pouvait cependant s'empêcher de reconnaître que celle-ci était encore admissible parce qu'elle était plus morale que mystique, ayant pour objet d'enseigner la charité. Cela dit, elle changea de conversation, pensant avoir fait une assez grande concession au goût inattendu de Siegfried pour les récits chers à Jacquette et à Emmanuel. Les jours passaient, l'ennui non. On entreprit d'autres excursions plus importantes afin de le conjurer. Guérande fut le but de la dernière de ces promenades. La ville fut bientôt vue, enfermée dans les murailles élevées au XVe siècle par Jean V, petit-fils de Jean de Montfort, elle ne s'est pas agrandie, et comme toutes les villes qui ne s'étendent pas, elle n'a ni industrie ni commerce, elle est devenue morne et comme morte. Ce n'est pas que la porte Saint-Michel, avec ses deux tours gothiques, n'ait gardé quelque grandeur, mais si bien conservée qu'elle soit, elle a perdu son aspect de hautaine et redoutable puissance, depuis qu'elle a perdu les hommes d'armes qui remplissaient le corps de garde. Que sa herse a été détruite et que son pont-levis a été remplacé par un chemin laissant un libre passage à tout venant. Pendant qu'il parcourait les rues silencieuses et qu'il faisait le tour de la ville en suivant les remparts, chacun des promeneurs se livrait à ses pensées particulières. Emmanuel repassait ses souvenirs historiques, se racontait le siège soutenu par Jeanne de Montfort en 1342, la longue guerre civile suscitée par la querelle des Montfort et de Charles de Blois, querelle terminée par le traité signé dans cette même ville de Guérande et juré sur l'autel de Saint-Aubin en avril 1365. Siegfried remarquait la haute taille des Guérandais, la sévérité du costume des femmes qui ont conservé non seulement la coiffe aux larges barbes relevées, mais la robe noire d'étoffe épaisse, à corsage carré avec de larges entournures bordées de velours qui mangent le dos, à manches relevées à la religieuse. Le petit fichu de couleur sombre dont les pointes se perdent par devant dans la bavette du tablier. Il examinait les fortes murailles, les portes ouvertes aux quatre points cardinaux, l'appareil des pierres encore marqué des signes particuliers de chaque tâcheron, le vaste paysage de champs, de bois, de marais qui s'étend jusqu'à la mer. Madame Thouvenin n'observait rien, elle s'ennuyait simplement et réfléchissait que cela durait déjà depuis 3 semaines. Saint-Aubin étant fermé, il fallut se contenter d'en regarder l'extérieur. Siegfried appela l'attention de son élève sur l'ambon. Il dit que les très vieilles églises seules offrent ces chaires extérieures, d'où le prêtre faisait autrefois les annonces et d'où il parlait aux catéchumènes qui n'avaient pas encore le droit de pénétrer dans l'église. Sans même chercher Notre-Dame la Blanche, célèbre en Bretagne parce que le traité de Guérande y fut ratifié, les touristes allèrent s'asseoir hors des murs, sous les grands arbres du Mail, entre la porte de Saillé et la porte Saint-Michel, pour attendre l'heure du train qui devait les ramener au Croisic. Emmanuel causait avec son précepteur, il lui racontait les anciennes cérémonies des noces, et, tout en parlant, il croyait voir les convieuses allant de porte en porte faire les invitations et recevoir les présents des invités qui venaient augmenter le bien-être des mariés aisés et faire une petite dot aux mariés pauvres. Puis le dîner à l'auberge, chacun payant son écho, et le dessert offert par les filles de la noce à la mariée, puis les danses au son du biniou, et l'aubergiste apportant le chapeau et la coiffe qu'il devait donner aux nouveaux époux. Spectacle charmant par la naïveté des cérémonies, la diversité des types et des costumes, la douceur mélancolique de la musique et des chansons. Tout cela intéressait fort le précepteur, émerveillé des connaissances de son élève et du langage pittoresque dans lequel il s'exprimait. Devant eux, au pied des remparts, miroitait l'eau stagnante du fossé, toute verte de lentilles d'eau à travers lesquelles circulait tout un peuple d'insectes. Madame Touvenin suivait silencieusement les jeux de la lumière, moirant cette eau de mille reflets. Elle eut de nouveau la vision de la petite plage ensoleillée de Pornichet et décida que le lendemain soir, on ne la trouverait pas au Croisic. Du sable, puis du sable et des pins clairsemés sur la dune, c'est Pornichet. Un endroit très agréable quand on se baigne, qu'on fait des parties de pêche et des promenades en bateau. Tel n'était pas le cas de Madame Touvenin. Elle fut bientôt lasse de ce nouveau séjour. Mais où aller ? Siegfried répéta, à Plouarnel. « Où est-ce, votre Plouarnel ? » demanda la dame. « Près de Carnac. »« Et c'est joli ?»« Charmant, la mer, la campagne, des bois pas bien loin. »« Allons à Plouarnel. » Siegfried conseilla de s'y rendre en faisant quelques crochets pour utiliser les billets circulaires et pour visiter plusieurs endroits intéressants. Plouarnel, la ville aux maisons vieilles, Vannes, l'autre cité ancienne, le golfe du Morbihan, ses îles et leurs monuments mégalithiques. Madame Touvenin se rangea d'autant plus facilement à cet avis qu'elle préférait tout à une prolongation de séjour à Pornichet.